bien voilà, la tempête qu'on prévoit chaque année, qui est toujours remise à cause du mauvais temps, eh bien, c'est celle-ci que nous avons peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont venus en traîneau à chien? On n'est pas encore assez dans le nord. Dormir d'une autre façon. Effectivement, c'est pas dormir debout. C'est pas non plus dormir sur le ventre ou sur le côté. Dormir d'une autre façon, c'est de développer une faculté qu'a l'homme, de développer la conscientisation de cette faculté, de façon à permettre à l'homme de parvenir à évoluer autant pendant le sommeil que pendant l'éveil, tout en lui permettant de vivre des phases initiatiques, c'est-à-dire des phénomènes de transformation, de mutation, sans que le corps physique n'ait à être mobilisé pour cela. Le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui a été étudié par beaucoup de paresseux dans les universités, en parapsychologie, entre autres. Et chaque fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant, quand on observait ceux qui dormaient, bien, il faut croire que les observateurs dormaient aussi parce qu'ils n'ont jamais vu la chose importante. Ils ont parlé du rêve. Et ils en ont déduit que si l'être humain ne rêvait pas, il devenait fou et mourait. Alors, ils ont essayé d'empêcher une personne de rêver. Chaque fois qu'il commençait le processus du rêve, il le réveillait. Est-ce que c'est le manque de sommeil qui les tuait ou le manque de rêve? Il y avait un problème. Qu'est-ce que le rêve? Pour certains scientifiques, le rêve, c'est la possibilité qu'a l'homme de niaiser un peu plus pendant la nuit, d'aller fouiner dans ses mémoires inconscientes, d'exprimer des lubies, de se venger inconsciemment de choses qu'il n'arrive pas à supporter lorsqu'il est réveillé. Pour d'autres, le rêve, c'est un processus biologique qui permet au corps, ainsi peut-être qu'à quelque chose appelé vaguement âme, un processus qui permet à ces choses-là de se restaurer, de récupérer de l'énergie. Pour d'autres, le rêve, c'est la vie réelle. Ces personnes sont tellement endormies qu'ils pensent que lorsque nous sommes réveillés, nous dormons et nous rêvons. Et lorsque nous dormons dans notre rêve, eh bien là, nous vivons pour le vrai. Autrement dit, présentement, vous rêvez d'être ici, puis quand vous allez vous coucher ce soir, bien là, en réalité, vous allez vous réveiller dans l'autre monde, qui est le monde réel. Chacun peut s'amuser comme il veut. Sauf que dans mes rêves, lorsque je mange des coups, j'ai un œil au beurre noir, et le lendemain, quand je me recouche, je me retrouve dans mon rêve, puis je n'ai pas d'œil au beurre noir. Par contre, dans la réalité, si je mange un coup en plein visage, je me couche, le lendemain, quand je me lève, j'ai toujours mon œil au beurre noir. Je préfère appeler l'œil au beurre noir la réalité. Et cette réalité, c'est ce que vous vivez, c'est ce que nous vivons, c'est ce que l'humanité vit, c'est ce que toutes les humanités vivent depuis le début des temps. Étant donné que l'homme est une créature du temps, elle ne peut pas vivre cela depuis antérieurement au début des temps. Ça va de soi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Dans le rêve, eh bien, la conscience de l'homme, la conscience réincarnationnelle de l'homme, l'âme, qui a été engendrée par Dieu, l'âme qui a été engendrée par un égrégore majeur du monde de la mort. Un égrégore, c'est quoi? C'est une grosse ballonne remplie de mémoire. Et cette mémoire, elle est remplie, elle est nourrie, elle est gonflée par ceux qui vivent dans un corps physique de l'expérience sur la planète Terre. Et lorsqu'un corps physique est engendré, selon sa génétique, si c'est un corps d'homme, de femme, d'humain, eh bien, du monde de la mort dans la ballonne, un peu d'énergie va descendre, il va venir animer. Animant, il va créer l'âme et il va créer la personnalité réincarnative et ça va se réincarner 24 heures sur 24 tout au long de la vie du corps physique, bref, tout au long de votre vie jusqu'à votre mort. À votre mort, c'est le processus inverse. Tout ce qui a finalement été embarqué dans cette âme, le petit égrégore limité, la petite ballonne qui vous habite, une ballonne, c'est une illusion, une petite ballonne. La petite ballonne qui vous habite, lorsqu'elle sera super remplie, lorsqu'elle se prendra au sérieux, à un point tel qu'elle deviendra, elle se prendra plus au sérieux qu'elle prendra au sérieux son Dieu créateur, eh bien, il y a des processus génétiques, des processus âmiques, reliés à l'âme, qui vont s'arranger pour vous éliminer de la surface de la planète Terre. Et là, votre âme va être récupérée par la grosse ballonne, l'égrégore, qui vous a créé. Et maintenant, c'est elle qui va se nourrir, tel le vampire, de votre expérience de vie. Lorsque l'être humain rêve, la psychologie, la petite ballonne, elle a la faculté par un canal de connaître le monde de la mort, donc de connaître des choses là-dedans. On appelle cela le rêve. Dans le rêve, il y a évidemment un phénomène inconscient, c'est-à-dire que la partie consciente chez vous n'est plus là pour diriger. Et la partie consciente chez l'homme, c'est premièrement sa faculté mentale, celle qui peut légiférer sur les événements, celle qui peut essayer de comprendre la logique, la logistique des événements. Et il y a le petit 5% d'intelligence en moyenne qui habite l'humain sur la planète, surtout la partie nord planétaire. Ce 5% d'intelligence, certains en ont 5,5, là, bon. Ce 5% d'intelligence, c'est de l'intelligence supramentale, c'est ce que l'antique religion appelle l'esprit. Certains appellent cela mon père, certains appellent cela autre chose, ça dépend des personnes. Ce 5%-là, lorsque le corps va se coucher, ce 5%-là quitte le corps, c'est-à-dire que coupe le contact conscient avec le corps physique, ce qui fait que l'ego n'est plus informé par cette intelligence, et n'étant plus informé par cette intelligence, l'ego n'a plus de consistance de vie. L'ego, c'est la partie majeure de l'âme, celle qui s'appelle « je »,« moi », celle qui se vante d'avoir le prénom que vous portez, celle qui finalement, à un moment donné, se prend tellement au sérieux, qu'étant totalement manipulée à son insu, elle finit par jouer totalement le jeu des divinités et des dieux qui l'ont engendrée. Des dieux qui finalement ont été créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Lorsque l'être humain, lorsque ce petit ego n'est plus en contact avec le petit 5% d'esprit qui habite le corps, eh bien, il a une espèce de panique. Et cette panique, c'est simplement un manque de soutien. On ôte les béquilles, un manque de nourriture, un manque d'énergisation. L'ego va appeler peut-être ça un manque d'amour, un manque de divertissement. Alors, immédiatement, il ouvre des petites vannes et il se met en contact avec un père nourricier qui, lui, nourrit toujours, un père que l'on peut prier, un père à qui l'on peut demander et un père que l'intelligence, un père que l'intelligence pourrait ordonner. Mais l'intelligence qui habite l'homme n'est pas encore assez puissante pour ordonner. Et là, l'âme, l'ego, entre en contact avec ce monde et fait une extra-conscientisation. Sa conscience sort du corps. On appelle cela un voyage astral, on appelle cela un voyage de l'âme, on appelle cela un rêve, on appelle cela aussi dormir. Pendant ce laps de temps, la conscience de l'ego a la connaissance, non pas un savoir. Le savoir, c'est quelque chose qui est instantané, qui ne provient pas de l'expérience. Il a une connaissance, donc accès à des mémoires, accès à des livres, accès à de l'information qui est cristallisée quelque part. Les hindous appellent cela les annales akashiques. Les catholiques appellent ça le livre de Pierre. Appelez ça comme vous voudrez. L'âme se connecte quelque part. Et là, il a la faculté de lire. Il décode. Mais il décode comme une âme décode. L'âme qui habite l'homme ne comprend jamais rien à rien. C'est l'âme qui, décodant la guerre, va dire « c'est de l'amour ». C'est l'âme qui, décodant la souffrance, va dire « c'est de l'amour ». C'est l'âme qui décode la haine, la jalousie, va dire, c'est de l'amour. C'est l'âme qui décode toujours les choses tout croche au travers. C'est l'âme aussi qui va dire, yark, tu veux à la face? Maudit, moi, je ne tracerais pas ça une personne de même. Waouh! C'est l'âme qui s'amuse. L'âme, elle décode émotivement. L'âme, elle décode selon sa programmation. Et la programmation, c'est votre instruction, c'est votre éducation et c'est votre expérience de vie. J'expliquais la semaine dernière que le temps était quelque chose de fixe. Le temps, ça n'avançait pas. On n'avance pas dans le temps. Le temps n'évolue pas. Le temps ne change pas. Et j'expliquais, je réexplique pour ceux qui étaient pris dans les bancs de neige, qui n'étaient pas encore tombés, que je suis une personne qui voyage sur le long de ce mur et je ne peux voir dans ma conscience temporelle qu'une un objet limité à la fois, une partie du temps limité. Et là, je vois des plantes. Sauf que toutes les personnes qui sont un peu plus loin que moi, donc sont sous un point de vue plus éloigné, plus cosmique du point de vue de l'âme, sont capables de voir ce que je vois. Vous voyez présentement tout mon avenir, et au fur et à mesure que moi j'avance dans ma conscience sur le temps fixe, vous voyez et mon passé, et mon présent, et mon avenir, alors que moi je ne vois que ce que j'appelle le présent. Mais là, je ne vois plus le passé, mais vous le voyez toujours. Je ne vois pas l'avenir, mais vous le voyez toujours. Puis je ne serai pas à conférence comme ça tout le temps. Bon. Dans le rêve, bon, regardez, il faut que j'en fasse un petit bout encore. Dans l'état d'éveil, votre conscience égoïque, votre âme, conscience astrale, celle qui s'exprime par le système endocrinien, elle focalise, elle se concentre. Et dans le rêve, on ne se concentre plus, et c'est là l'avantage. Étant donné que dans l'éveil, la partie égoïque est concentrée, focalisée parce qu'elle est agressée par du mental, la conscience qui se dirige vers le phénomène du temps s'en va en se rétrécissant. Et se rétrécissant, finalement, elle ne verra qu'une partie du temps. Tandis que pendant le sommeil, la conscience étant plus investie d'énergie mentale qui essaie de l'obliger à se virer de côte de bord pour avoir accès à de l'intelligence, à de l'Esprit Saint, pendant le sommeil, la conscience qui est concentrative devient attentive et elle va s'ouvrir. S'ouvrant, elle s'ouvre selon la grandeur de l'âme de l'humain. Elle va maintenant englober non pas un point concentré du temps, mais elle va être capable d'englober ce que le point concentré appelle le passé et l'avenir, plus ou moins immédiat, de l'individu. À travers les 80 à 100 rêves que vous faites tous chaque nuit, une grande partie de ces rêves, disons la moitié, sont des lectures du futur. Et l'autre partie, disons la moitié, sont des lectures du passé. Étant donné que la conscience assujettie de l'âme, donc de l'ego, de vous, n'a pas la faculté de discerner convenablement ce qu'elle goûte du temps, parce qu'elle a été investie de l'expérience du présent lorsque l'ego est manipulé par le mental et réveillé, lorsque nous rêvons le futur et le passé, nous l'imbriquons ensemble de façon à créer un présent. Un présent qui sera le rêve, un présent qui sera un amalgame de passé et d'avenir et qui viendra à notre conscience nous animer pendant la nuit. Le mélange de ces différents rêves et le mélange de l'avenir et du passé à travers une logistique intellectuelle présente fait en sorte que l'humain ne peut pas décoder convenablement ses rêves s'il ne décode pas les archétypes qui vont obliger le futur et le passé à se structurer selon une façon bien particulière amenée par la génétique réincarnationnelle de l'âme. Les archétypes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des formes, ce sont des mécaniques qui proviennent de la création de l'âme humaine et sur laquelle l'âme humaine se fie depuis le début des temps. Un archétype. Je fais un rêve et je ne comprends rien. Alors, je prends un livre d'archétypes, un livre qui décode les archétypes, et c'est écrit sur la couverture « Décodez vos rêves ». Un livre sur l'interprétation des rêves. Et là, je regarde un chameau. Un chameau, ça veut dire blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai tout vu clairement les choses, sauf que pour que tout l'avenir et le passé rentrent dans ce que j'appelle le présent, il devra être transformé, fondu, déformé, pour être présenté dans le présent, et il abordera des formes que j'appelle présent, des archétypes. Et là, on aura la symbolique des rêves. Sauf que l'être humain qui vit du rêve est un être humain qui se fait royalement violer tout au long de sa nuit. Combien d'heures passons-nous à dormir? Et ces heures-là, nous ne les passons pas à évoluer. Certaines personnes, de temps en temps, vont être manipulées par leur ajusteur de pensée pendant le sommeil et vont vivre un cauchemar. Et là, il y aura de l'évolution. Mais le reste du temps, il n'y a pas d'évolution. Il y a un repos, puis encore. Il y a un abandon, et encore. Et finalement, plus l'âme apprend du mental, plus l'être humain a la faculté d'expérimenter et de donner de l'expérience mémorielle à l'âme, à partir d'une logistique mentale, d'un quelque chose qui semble intéressamment supérieur au maudit rêve, eh bien, plus l'homme aura de la difficulté à dormir, parce que plus son âme voudra rester consciente dans le corps, de façon à bénéficier du mental plus longtemps. Et ça crée un problème, parce que le corps physique a besoin que la conscience de l'âme sacre son cas de temps en temps. Il y a... Je vais le répéter de temps en temps en conférence, c'est très important que ce soit compris. Parce que tout ce que je dis ne s'adresse pas à l'animal humain. Toutes les conférences que je fais, tout le travail que je fais et que je vais faire dans l'avenir ne s'adresse absolument pas à l'animal humain. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas au véhicule corporel, il ne s'adresse pas au véhicule de vie, il ne s'adresse pas au véhicule astral, donc il ne s'adresse strictement pas à l'âme de l'homme. Il ne s'adresse qu'au véhicule mental et supramental, c'est-à-dire que ce que je vais faire ne s'adressera qu'à l'être humain, c'est-à-dire qu'à la conscience de l'esprit dans l'homme, pas à l'animal humain. 95% des animaux humains vivant sur la planète constituent l'humanité. Et je ne dis pas cela péjorativement. Il y a des personnes dans la salle ici qui vivent, la majorité d'ailleurs des personnes qui sont ici ce soir, vivent de l'évolution de l'animal humain. Ça n'empêche pas ces personnes d'être investies d'intelligence et ça n'empêche pas ces personnes de vivre une lutte d'évolution qu'ils vont appeler l'évolution, qui va être une guerre entre l'être humain qui tend à contrôler l'animal humain. Dernière conférence que j'ai faite en parlait un peu, mais nécessairement tout le travail que je ferai dans l'avenir sera un travail qui obligera l'animal humain à laisser sa place à l'être humain. L'animal humain, il souffre, il vit collectivement, il vit en troupeau, il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre, il croit, il ne peut faire autrement que de croire. Il sera assujetti à l'évolution des collectivités, à l'évolution des archétypes ou des néotypes, il sera toujours assujetti à l'évolution d'autrui, il ne pourra pas évoluer avant la masse, il n'évoluera qu'avec la masse. L'être humain, lui, par contre, qui était l'animal humain et qui devient un être humain parce qu'il revient au monde, il renaît, sa conscience prend le contrôle plutôt que sa mémoire qui t'y parle. L'être humain a une conscience individuelle. Il va à l'école, il a peut-être 14-15 ans et il joue avec des amis qui sont des animaux humains. Et à un moment donné, le petit groupe d'animaux humains, plus lui qui est un être humain, va décider de lancer des bouteilles dans une ruelle puis les casser. Et l'être humain va simplement se retirer. Lui, il ne fait pas cela. Tandis que les animaux humains vont le faire. Les animaux humains vont nécessairement essayer de dire à l'être humain, « Mais ouais donc, ouais, donc t'sais, viens donc, t'as peur, t'es lâche, t'es ici, t'es ça. » L'être humain va simplement dire, « Ben non, moi, je suis... » Bon, s'en va. La nuance entre l'un et l'autre est extrêmement importante, puis elle est facile à voir. Parce que l'homme a accompli pendant des millions d'années une évolution d'animal humain, bien souvent, il va vénérer l'animal humain. Mais l'évolution de l'homme, elle passe de l'animal humain, elle passe de l'animal tout court, investi à un moment donné d'une âme, il devient un animal humain, donc proche de l'humain. Investi d'un peu de conscience, il devient un humain. Et investi d'intelligence, il devient un être humain. Et sauf que, entre les mémoires qui parlent de l'animal humain et les mémoires de l'intelligence, il y aura pendant quelques milliers d'années une grande lutte. Et nous sommes présentement un peu à l'adolescence de l'humanité, où il y aura des bribes de l'animal humain qui devront tomber pour être maintenant contrôlées par l'être humain, l'intelligence dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évolution de l'homme et tous les animaux humains n'ont qu'une seule utilité sur le plan planétaire, conserver leur corps physique de façon à procréer et à engendrer d'autres vies. Croître et se multiplier est le rôle de l'animal humain. Et nécessairement, et je l'ai expliqué, je résume brièvement, que lorsque l'être humain vit cette évolution de l'animal humain, il est assujetti à être totalement manipulé et par le monde de la mort, qui est investi d'intelligence. Le monde de la mort, le ciel, c'est manipulé par de l'intelligence, sauf que ça ne le sait pas. Et l'être humain est manipulé par le monde de la mort, sauf qu'il ne le sait pas. Et l'intelligence, il n'est pas dans le monde de la mort, il est dans les cieux, c'est-à-dire au-delà des phénomènes mémoriels de notre planète. Alors, il se passe simplement que votre corps physique est amené un peu partout, et il y a une âme dedans, et l'âme a le contrôle total du système endocrinien. Lorsqu'on a de l'émotion, c'est exprimé dans le corps. Comme je dis souvent dans le séminaire, présentement, est-ce que tu as peur? Et la personne me dit non. Tu n'as pas peur? Non. Si ton cœur commence à accélérer, tu vas commencer à dire, ah ben oui, un peu. Si tu commences à transpirer, ah ben oui, un peu. Tant que le corps ne l'exprime pas, l'ego, l'âme, ne le sait pas. Tu as le goût de coucher avec une fille, mais il ne se passe rien physiquement. Fait que tu ne coucheras pas avec la fille. C'est simple. Tu n'as pas le goût de coucher avec une fille, puis il se passe plein d'affaires physiquement. Mais tu vas coucher avec une fille. C'est l'inverse pour les dames. Toute l'âme est là le contrôle d'un chérubin, de l'enveloppe du périsprit de l'âme qui est en contact avec le système neuronique endocrinien de l'homme, de la femme, de l'enfant. Et le rôle de l'homme, c'est simplement animer un corps physique jusqu'à temps que le corps devienne un véhicule suffisamment solide pour que de l'intelligence se plugue dedans et l'anime. Alors nécessairement, tout ce que l'être humain va faire va être condition de sécrétion hormonale. Il y a des sécrétions hormonales merveilleuses. Là, votre corps mute et vous avez une raison de vivre. Mais évidemment, du point de vue de l'ego, vous pouvez souffrir. Dieu ne vous exauce pas, le Dieu esclave auquel on prie souvent. Il n'exauce pas. Quand il n'exauce pas assez, on change de religion pour chercher un autre magazine. Et on est continuellement sujet à la désillusion jusqu'à un moment donné où il y en a une personne ici peut-être qui va perdre un œil. Pas une prophétie que je fais, là, c'est pas nécessaire. Il y en a un autre qui va perdre son emploi. Il y en a un autre qui va perdre sa femme ou son mari. Il y en a un autre qui va s'engueuler avec ses enfants assez qu'il ne pourra plus parler. Mais comment empêcher ça? Tout en continuant pendant un laps de temps à rester soumis à l'évolution de l'animal humain. Parce qu'il faut faire attention. On a de l'intelligence, on comprend les choses. Mais notre intelligence n'a pas encore réussi à décoder la mécanique chez l'âme qui permet à l'intelligence de contrôler le corps. Parce que la mémoire de l'âme est convaincue, et elle a été convaincue parce qu'elle a été instruite pendant des millions d'années, que vous ne pouviez pas traverser les murs sans vous esquinter, eh bien, votre ego fait tout pour que vous ne traversiez pas les murs. Ça fait des millions d'années que l'homme pense à ça. Il n'est pas pour traverser les murs, pour découvrir que ça fait des millions d'années qu'il est un con. Alors, il ne traverse pas, il traverse les murs par la porte à la place. Puis en plus, il faut qu'il l'ouvre avant de passer. L'être humain ne vit pas de l'évolution de l'animal humain. Tout ce que l'humain a à vivre comme souffrance sur le plan planétaire est simplement question de sécrétion d'hormones. Prenez un être humain et éliminez tout au niveau neuronique de son cerveau, tous les contacts qui permettent à l'âme de s'exprimer, et vous aurez un être humain qui ne souffrira pas, un être humain qui ne saura pas qu'il est heureux, un être humain qui ne saura pas qu'il est malheureux. Vous aurez simplement un corps qui est assujetti à la vie, mais qui est désassujetti de l'âme, sauf que s'il n'y a pas le mental pour prendre la relève, on a maintenant affaire à un zombie. Si on a le mental pour prendre la relève, on a affaire à un être humain. Mais couper les contacts, vous allez le faire. Et on appelle cela une mutation. Par cellularisation de l'événement, vous allez lentement transformer votre code génétique et lentement, ces choses-là vont se faire. Alors, on peut perdre son œil. On peut se chicaner avec ses enfants. On peut perdre sa femme ou son mari ou son emploi. On peut se casser une jambe, passer 2-3 mois à l'hôpital. On peut s'amuser. On peut voir notre maison brûler. C'est très intéressant. Ça sécrète des hormones. Et pendant que vous chialez, pendant que vous êtes heureux ou malheureux, bien, votre corps travaille. Tout cela est exprimé dans le corps de l'homme. Et tout ce que le cosmos veut, c'est que ce soit exprimé dans le corps de l'homme. Ce qu'il exprime, voilà ce que Dieu fait. Il s'en fout. C'est pourquoi on demande, est-ce qu'il y a une justice divine? Oui. Ton corps mute. Le tien aussi. Oui, mais je t'écœurerai de souffrir. Moi, je ne suis pas écœuré que tu mutes. Le rôle de l'homme, le rôle de l'animal, de l'âme, est de contrôler un véhicule très, très bon en matière jusqu'à temps qu'il devienne tellement vibratoire que là, l'intelligence prenne le dessus. Mais en attendant, on doit demander à l'homme de changer. Et pour que l'homme change, le corps doit changer. Combien de personnes dans les religions ont voulu, à un moment donné, être chastes? Puis étaient continuellement pognés à lutter. Et ils étaient contents de lutter. Il y avait un qui a muté un peu leur corps physique, puis il aurait cessé de bander sur la lutte, puis il aurait eu la paix. Mais ils voulaient être chastes, et ils ont passé leur vie à en souffrir. Puis quand un individu était tellement manipulé par le système hormonal de son corps qu'il se masturbait, homme ou femme, et bien après ça, il se culpabilisait dans les monastères, un peu partout, il se culpabilisait peut-être le restant de ses jours. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris de quelle façon fonctionne l'évolution. Alors, comment ne pas perdre l'œil? Comment ne pas perdre son travail? Comment ne pas s'engueuler avec ses voisins, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari? Comment arriver à déterminer une condition d'évolution régie par votre conscience qui comprend, de façon à ce que tout ce qui nous attache encore à l'évolution de l'animal humain se fasse sans que cela soit au détriment de notre corps? Comment pouvons-nous parvenir à sécréter la dose d'hormones essentielle pour la mutation sans que nous ayons à vivre la condition matérielle réelle qui, par la suite, devient conne? J'ai perdu mon œil, puis j'ai appris. J'ai perdu mon bras, puis j'ai continué à apprendre. Un jour, j'ai perdu mes deux jambes. Ah là, j'ai appris en maudit. Et finalement, bien là, je suis dans le lit depuis 15 ans. Mais j'apprends peut-être, mais pas génial. Alors, il y a une personne qui s'est couchée, des choses qui arrivent, Et puis, elle a préparé, elle ne savait pas comment rencontrer un de ses élèves. C'est une personne qui enseignait. Elle s'appelait Judith. Elle ne savait pas comment rencontrer l'un de ses élèves. Secondaire 5, c'est des adolescents qui sont suffisamment maganés, suffisamment manipulés par les collectivités, parce qu'on essaie de récupérer l'homme, surtout l'adolescence. Les quelques rares qui se libèrent, c'est intéressant. Et elle ne savait pas comment le rencontrer parce que celui-ci l'avait menacé de mort. C'était simple. S'il revenait en classe, il la tuait. Alors Judith s'est couchée et elle pensait à ça. Et elle ne voulait pas le dénoncer. Elle ne voulait pas régler son problème sans régler le problème de l'élève. Elle voulait régler le problème de l'élève. Alors elle a réfléchi. Et elle a eu de la difficulté à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'élève arriver. Et elle s'est présentée devant. Et puis là, il s'est passé des événements. L'élève a sorti un couteau. Puis elle n'a pas su comment et elle s'est fait tuer. Alors, elle a eu peur le lendemain d'aller à l'école. Elle a revu l'élève arriver. Elle s'est représentée en avant. Et elle a dit d'autres choses. Et finalement, à travers tous ces dialogues qui étaient plus ou moins manqués, lentement, Judith a réussi à parler à l'élève. L'élève sort son couteau. Judith continue à parler. L'élève ne sait pas s'il tue ou pas. Judith amène d'autres choses. Et lentement, Judith s'est endormie. Sauf que pendant son rêve, elle a été blessée au thorax. Et elle a souffert, elle a vécu une nuit d'horreur. Et le lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, elle se rappelait plus ou moins de son rêve, mais elle s'en rappelait. Et elle savait qu'elle avait plus ou moins réussi, mais qu'elle serait blessée. Elle ne savait pas qu'elle avait lu l'avenir, elle ne savait pas qu'elle avait lu le passé, mélanger l'avenir, elle ne savait rien. Elle est allée à l'école. L'élève n'est pas venu cette journée-là, ce qui a permis à Judith d'avoir encore plus peur. Parce que quand une chose ne se règle pas, on mijote dedans pour la remplir. Et c'est un vendredi, alors 2-3 jours après, le lundi, elle se présente à l'école, l'élève se présente aussi, mais l'élève ne lui parle même pas de ce qu'il avait dit. On dirait que c'est réglé. Il n'y a rien de réglé. L'élève a oublié. Il s'est passé quelque chose dans le monde de la mort qui manipulait l'élève, quelque chose qui fait que maintenant l'élève n'a pas le goût de tuer le professeur. Il la trouve simplement niaiseuse, puis il dit « Ah, tu ne mérites même pas de mourir. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Judith, pendant la phase de pré-sommeil, s'est tellement imbibée psychologiquement, amiquement, du problème que la vie voulait lui amener, qu'elle a fini par le vivre sans impliquer le corps physique. Et elle l'a vécu du point de vue de l'âme à un point tellement chaud que le corps enregistrait ce qui était vécu. Les hormones qui devaient être sécrétées dans l'expérience de façon à impliquer une expérience évolutive mutatoire au corps physique ont été émises et le corps physique de Judith a changé pendant cette phase de sommeil. Et le lendemain, l'expérience de vie n'étant plus nécessaire parce qu'accomplie, Judith ne devait pas vivre ce problème. Par contre, beaucoup d'autres humains vont vivre cette chose d'une façon différente. Ils vont la vivre du point de vue de l'intellect. Ils vont la vivre du point de vue d'une relation de dialogue avec des personnes ressources. Ils vont la fuir et ils vont peut-être devoir passer par tous les processus prévus dans la sécrétion hormonale parce que la façon... Cosmiquement, on s'en fout, mais le résultat est important. De quelle façon vous aurez le résultat, on s'en fout. Mais vous l'aurez. Et Judith ne le savait pas. Sauf qu'elle a vécu le cauchemar pendant la nuit. Donc, elle a vécu, et l'ajusteur de pensée est venu l'aider. Elle a essayé de s'ajuster. Elle a vécu toute la structure au complet. Elle a été blessée. Et le corps au complet a enregistré. Elle aurait pu se réveiller avec une blessure ou une cicatrice, comme ça arrivait chez ceux qui vivaient ce genre d'expérience il y a quelques centaines d'années. Mais aujourd'hui, le corps vital de l'homme, légué par sa génétique physique, est tellement puissant qu'il n'y a pas, ou presque pas, de transfert endoformique, de transfert de mémoire dans la mémoire créée du corps physique dans le monde de la mort à celui du corps physique dans le monde de l'éveil lorsque l'individu se réveille. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, la personne qui ne vit pas cette nouvelle forme de dormir de sommeil, risque fortement de devoir vivre, dans son point de vue réel, des conditions exclusivement sécrétatoires de façon à engendrer la mutation. Dormir d'une autre façon, je l'ai dit, ce n'est pas dormir sur le côté, sur le ventre, sur le nez, sur la tête ou debout. Mais l'on doit nécessairement envisager des mécanicités. Premièrement, pour dormir d'une autre façon, la meilleure chose est de dormir dans un lit seul. La deuxième meilleure chose est de dormir dans une chambre seule. Ce sont des conditions qui ne sont pas sine qua non, mais qui permettent énormément d'avancer les choses. Et troisièmement, c'est de prendre conscience de son rêve et de structurer le rêve par l'étape du pré-sommeil, de structurer le sommeil au complet, donc le rêve, l'extra-conscientisation astrale, de façon à ce que vous le viviez suffisamment consciemment pour que ça vous marque. Lorsque ça marque l'ego, c'est qu'il y a eu une mutation biologique. Il y a une nuance entre être possédé continuellement dans un sommeil cauchemardesque, toujours le même rêve, qui jamais n'en finit plus. Ça arrive plus souvent qu'autrement chez les enfants. Et normalement, le parent qui a suffisamment de conscience a la faculté, dans cette façon de dormir, de se coucher avec son enfant et de jaser du rêve avec l'enfant. Et en jasant du rêve, ils vont suffisamment se relier et par la suite, l'enfant doit dormir dans sa chambre. Et le parent doit maintenant revivre le rêve et se voir dedans. Et finalement, lorsqu'il va être extra-conscientisé, il va pouvoir être dans le rêve de son enfant et là, il pourra le décoder et possiblement même le régler. Ça crée, et bien évidemment, un attachement majeur entre l'enfant et le parent. Et entre le parent et l'enfant. Parce qu'il y a une complicité dans l'autre monde de conscience. Dormir d'une autre façon, c'est échapper à l'évolution de l'animal humain du point de vue des répercussions matérielles. Il n'est pas nécessaire que vous vous cassiez la gueule pour évoluer. Il n'est pas nécessaire que vous soyez pris dans des tempêtes. Il n'est pas nécessaire que vous viviez une colère, une haine, une jalousie, une angoisse, une peur. Il n'est même pas nécessaire que vous traversiez un apocalypse. Sauf que si l'apocalypse a à vous apporter, si l'apocalypse a à vous enseigner des choses, eh bien, vous en ferez partie. Mais si l'apocalypse n'a rien à vous enseigner, et je ne dis pas du point de vue de l'ego, non, je parle du point de vue de la mutation biologique. La personne va dire, oui, mais moi, j'ai rien à apprendre d'une guerre. T'as peur de la guerre? Bien, comme tout le monde, tu vas la vivre, la guerre, parce que la peur va te faire sécréter. Sauf que si t'as pas peur de la guerre, si tout ce qui peut t'arriver ne te dérange absolument pas, il n'y aura pas de sécrétion hormonale, faites confiance à l'intelligence, l'économie d'énergie étant l'une des lois qui la régit, vous ne serez pas soumis. Sauf que tant que l'être humain se sert de son rêve comme fuite, ou encore vit de cette angoisse du sommeil, un problème. On passe combien d'heures à dormir? Eh bien, maintenant, il faudra passer ces heures de sommeil à se reposer et à se transformer. Je me couche et je ferme les yeux. Et puis là, je dessine lentement la pièce où je dois rencontrer mon patron pour lui demander une augmentation. Je définis la pièce au complet. Je ne la connais pas, aucune importance. Je vais donc dessiner le corridor. Et je vais m'arranger pour rencontrer mon patron. Sauf qu'il est important de faire attention. Vous devez, lorsque nous travaillons dans ce processus du pré-sommeil, on ne doit pas se déguiser en Superman. On ne doit pas essayer de projeter l'image d'un autre que nous. C'est ça le problème souvent. Alors, je rencontre mon patron, puis je dis « Bonjour, oh, boss! 50$ de plus par semaine! Merci, boss! » Ça ne marche pas. Là, on fuit la sécrétion hormonale. On essaie simplement, intellectuellement, de projeter, de devancer, d'obliger quelque chose. On va le payer autrement. Celui qui fait une projection, ça peut marcher. Il va le payer autrement. C'est-à-dire que le problème qu'il aurait à vivre, s'il ne le vit pas dans sa projection, il va le vivre ailleurs. Il doit changer hormonalement. Et je répète, le corps physique, les vieilles traditions ne disent pas que Dieu a donné une première loi à l'homme. Croissez et multipliez-vous. C'est juste ça que Dieu demandait. Croissez, multipliez-vous. Les 10 commandements, qu'est-ce que c'est? Ce sont des commandements qui empêchent de détruire la génétique. Les commandements qui servent juste à ça. Respecte tes parents, oui, parce qu'ils vont pouvoir t'instruire. Et lorsque tu vas apprendre ce qu'ils n'ont pas pu te communiquer par la génétique, ils vont te le communiquer par l'instruction. Tu ne tueras point, c'est bien évident. Et tout, là, les commandements complets sont des commandements qui régissent une vie sociale où ceux qui en sont régis peuvent procréer et se multiplier. Mais il y a une chose. Tu ne devras pas faire de relations lentement à l'Église, va amener cela. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Parce qu'il faut que la tradition génétique soit transmise convenablement. Et les parents vont choisir qui avec qui. Parce que les parents sont plus évolués que l'enfant du point de vue de leur attraction entre le monde de la mort. Et ils sont plus manipulables que les deux niaiseux. Alors le père et la mère arrangent le mariage. Et tu devras respecter ton père et ta mère, même s'ils ne sont pas respectables. Parce que c'est essentiel. Sinon, la hiérarchie totale. Le gars va choisir la fille à partir d'un autre principe que celui de la correspondance évolutive génétique. Et là, il y a les fêtes. Certaines fêtes religieuses font que l'humain sécrète certaines formes d'hormones. Il y a toute une panoplie de règlements menés par les premiers dieux du monde de la mort, les dieux géoviques ou les dieux yaviques, entre autres, qui vont investir l'humain de cette démarche. L'être humain ne vit pas et n'évolue pas comme l'animal humain. Par contre, l'homme, l'humain, la femme, l'enfant et l'homme sont un alliage qui sont soumis à l'évolution de l'animal humain et de plus en plus à l'évolution de l'être humain. Dormir d'une autre façon, c'est de s'approprier un peu plus le privilège de ne pas souffrir. De ne pas souffrir d'une façon irréversible. Tous les résultats sont accomplis, donc prévus, c'est écrit. Celui qui s'éloigne suffisamment loin de la conscience nombritique de l'homme relié au monde de la mort voit un peu plus de choses. Mais bien souvent, s'il n'est pas préparé à voir plus de choses, il va mixer tout cela dans un archétype appelé présent et il va dire « j'ai rêvé » ou « j'ai eu un son ». Et il passe à côté. Ce n'est pas de la voyance. La voyance, c'est quelque chose de similaire où la conscience concentrative peut cheminer. Mais le voyant ne voit pas la globalité. Il ne comprend pas le plan, ni le plan dans les plans. Dormir d'une autre façon veut dire que nous couchons, nous préparons notre sommeil. Donc, et c'est là l'important, c'est la phase du pré-sommeil. Dans cette phase du pré-sommeil, nous devons nécessairement vivre des expériences. Et ce n'est pas exclusivement de régler le problème de Judith, problème similaire. C'est de vivre des expériences. Qu'est-ce qui vous ferait le plus de problèmes? Alors, à un moment donné, on a une femme qui a 25 ans et qui se couche et elle engendre un pré-sommeil. Elle se voit dans sa chambre et puis à un moment donné, il y a un individu qui rentre, qui saute dessus. Ah, elle ne veut pas vivre ça. Ah, ça. Non, un autre rêve. Elle ferait mieux de le rêver. Ça règle le problème. Et vous ne devez pas aller dire à quelqu'un ce qu'il doit rêver. Si vous décodez, si vous déterminez vous-même dans votre pré-sommeil ce que vous allez rêver, il n'y aura jamais de traumatisme. Mais si vous allez dire à quelqu'un ce qu'il doit rêver, là, ça peut être inajusté. Et mieux vaut le vivre dans le sommeil, mieux vaut être violé en sommeil lorsqu'on a préparé le coup. Parce que lorsqu'on ne prépare pas le coup et qu'on se fait violer en sommeil, bien souvent, c'est parce qu'on est manipulé par un incube ou un succube. Un phénomène très, très, très collant du monde de la mort qui se plaît à venir violer psychologiquement les femmes et les hommes, faire l'amour avec eux autres. Bien souvent, quand un homme fait l'amour avec sa femme en sommeil, bien, c'est simplement un incube qui s'est collecté déguisé, puis vice-versa. Puis bon, ils se font têter tous les deux, puis ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais lorsqu'on prépare complètement le phénomène et qu'on vit émotivement, mais pour le vivre émotivement, on doit le vivre dans une phase de sommeil, là où le corps décolle. Pourquoi? Parce que tant que l'ego va lire le corps, il va toujours savoir que ce n'est pas vrai. Sachant que ce n'est pas vrai, il ne sécrète rien. On doit s'endormir et là, décoder. Plus le rêve et plus la phase de pré-sommeil est bien préparée, c'est-à-dire que l'on part avec ça Et on oublie, on n'entend plus, on ne voit plus, on ne sent plus, on perd la conscience du corps. Et là, on se concentre, si l'on peut dire, on met notre attention juste dans l'événementiel. Mais très important, parce qu'il y a différents problèmes à vivre lorsqu'on fait cela, parce que nécessairement le monde de la mort va s'organiser pour que vous n'y arriviez pas. L'individu, par exemple, ben, il franchit la porte, et puis là, il plaît. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'individu, il franchit la porte, et puis il plaît. Et puis on le recommence encore, c'est au bout. L'individu, il franchit la porte, et puis il plaît. Ça, c'est la répétition mémorielle d'un phénomène qui nourrit votre ego. Puis lentement, vous décrochez. Vous êtes parti sans jamais avoir pu aller chercher la substance réelle qu'il faut pour préparer ce pré-sommeil de façon à ce que vous puissiez dormir d'une autre façon. Alors, la personne, elle rentre, et puis ça plaît. Et puis, elle doit continuer. Il y a toute une démarche à suivre à travers les dangers de se prendre au sérieux. À travers comment on peut parvenir à être mentalement ou supramentalement attentif, observateur de l'ego qui vit l'expérience. Parce que lorsqu'on arrive à bien contrôler cette phase de sommeil nouveau, eh bien, on peut même arriver à être observateur du point de vue mental, c'est-à-dire que la conscience qui vous habite ne partira même pas au complet. Vous allez être capable de tout voir, ce qui se passe. Et quand vous allez vous réveiller le lendemain, vous allez même être capable de décoder. Vous allez dire, ah, ben, il y a une place, je m'en suis bien sorti, mais l'autre place, non, j'ai été orgueilleux. Ça, c'est un problème. Et là, vous pouvez revenir dedans, la nuit d'après. Puis vous allez continuer à vivre. Et puis à un moment donné, vous allez pouvoir vous dire, non, tiens, ce coup-là, j'ai pas été orgueilleux, j'ai passé convenablement. On va vous conter un rêve que j'ai fait à un moment donné. Ce rêve-là, eh bien, il est simple. Je suis malade et puis je suis obligé d'aller à l'hôpital. Alors, dans le rêve, je me déplace pour aller à l'hôpital, puis en même temps, j'observe, ah, ben c'est pas pire, ton ego t'empêche pas d'y aller. Rendu à l'hôpital, eh bien, on me couche, mais là, dans la salle où on doit me coucher, mon ego a le feeling que ce serait intéressant d'avoir une chambre privée, ou à deux. Mais pas une chambre où tu peux faire des conférences. Et puis là, ben la chambre, c'est original, il y a à peu près une quarantaine de lits, c'est tout placé comme dans un gymnase d'école, là. Puis là, moi, j'ai un lit quelque part en plein milieu de ça, juste en dessous d'un néon, bon. Je me couche. Puis là, l'observateur, ben il observe, pas pire, t'es pas pire anégoïque. À un moment donné, il y a une vieille madame qui tombe en bas de son lit, puis elle fait un arrêt cardiaque. Pas loin. Et puis là, il y a du monde qui vont voir, puis là, ça se met tout à crier. Puis là, ils partent tout chercher du monde pour les aider. Mais moi, je peux la ranimer. Alors, je me lève, et puis je m'approche de la personne, et puis je place la tête pour qu'elle respire, puis elle commence à respirer. Et puis là, dans le rêve, il n'y a personne qui me voit. Fait que je la replace pour qu'elle s'étouffe. Quand elle commence à être bleue, là, je la replace pour qu'elle respire. Là, ils vont voir que c'est que je l'aide. Là, on dirait pas que les gens vont faire attention à moi. Là, je la réétouffe encore un peu, je la replace, puis à un moment donné, bon, dit bordel. Alors là, je peux me réveiller en disant, pas j'ai manqué mon coup, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est la partie anti-homme chez moi. C'est la partie qui vous unit tous à l'évolution de l'animal humain. Alors, je peux simplement observer, Daniel, c'est le nom de mon anti-homme, hein, parce que j'ai aussi d'autres noms. Mais bon, Daniel, c'était pas génial, franchement. T'as rétouffé, tu sais, dans le but que les infirmiers ou les ambulanciers puissent voir que tu savais comment, là, tu sais, c'est pas génial. Puis effectivement, ben Daniel, il dit c'est pas génial. Sauf que dans le rêve, ben c'est ça que Daniel a fait. Pourquoi? Parce que le peu de conscience qui arrivait encore à jaser avec Daniel, eh bien, n'étant pas là, je ne faisais qu'observer ce que Daniel faisait, puis je le laissais aller. Et là, je peux connaître où j'en suis rendu du point de vue de l'évolution de l'anti-homme, c'est-à-dire de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous relie à l'animal humain. L'anti-homme est tout ce qui empêche l'être humain de devenir instantané. L'anti-homme, c'est la partie qui fait souffrir l'homme, qui fait sécréter des cochonneries, qui le rend heureux pour le rendre malheureux après, qui donne des espoirs pour le voir se désillusionner après, puis qui engendre plein de problèmes. Ce sont des rêves. À un moment donné, j'ai rêvé que j'étais quelque part, et puis j'ai vécu plein de choses. C'était une affaire de bébelle militaire. Et puis, j'ai manqué mon coup, je me suis fait tuer. Bon, je suis rentré dans une pièce, les gars m'attendaient, puis ils m'ont tué. 2-3 semaines après, je refais le même rêve, et dans mon rêve, j'ai pour rentrer dans la même pièce, puis je me rappelle l'avoir déjà rêvé, puis là, je me dis, ah ben, je rentre pas là. Vous savez, le sommeil. Quand on peut s'amuser comme ça, eh bien, on se plaît à dormir. On ne devient pas paresseux. Sauf que quand mon corps est fatigué, je me couche. Et puis dans mon rêve, j'ai pas un rêve idiot. Ça m'arrive de temps en temps de rencontrer King Kong ou Dracula ou des cossins comme ça, là. Godzilla dernièrement. Mes enfants louent un film, là, puis Godzilla. Et quand j'étais jeune, j'avais peur de Godzilla. Alors là, je me couche et puis finalement, Godzilla réapparaît. Sauf que l'idée, c'est pas juste de voir la grande poupée en plastique qui écrase les autos. C'est qu'en même temps, j'ai peur. La nuance, elle est là. La personne va dire, ben oui, mais c'est un rêve. Ça ne change rien. Si vous le vivez, c'est pas un rêve. C'est une conscientisation plus grandiose de mémoire, de mécanicité, mélangée, archétypalement assujettie à votre conscience. J'ai peur. Et là, l'idée, c'est que le gars qui a peur, il tombe face à face avec Godzilla. Puis le gars qui a peur, il finit par se dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, il se met à grandir, puis à grandir, puis à grandir. Puis il devient plus gros que Godzilla. Puis là, il dit ça, c'est comme ça. Puis là, Godzilla se met à grandir, puis lui, il dit non, Godzilla, il grandit pas. Puis quand j'ai fini, j'ai plus peur de Godzilla, ça va de soi. Mais c'est pas moi qui ai peur de Godzilla. Ce sont des archétypes réincarnationnels qui proviennent de Daniel, de mon anti-homme, puis qui s'amusent. Sauf que là, la puissance commence à naître. Dans vos rêves, quand vous allez être capable hormonalement de vivre un rêve et de traverser un mur, sans que ça paraisse, bien, d'ici peu, vous allez aussi pouvoir biologiquement traverser un mur sans que ça paraisse. Sauf qu'étant donné que l'humain ne croit habituellement pas aux choses neuves, l'humain ne croit pas à l'existence du kangourou tant qu'il n'en a pas vu. La Terre était plate, c'était évident. Jusqu'au jour où le gars qui est parti, l'imbécile, le cave, celui qui mangeait des œufs, là, qui est parti, puis à un moment donné, ben, il revient avec un Indien. La preuve était fausse, mais elle amenait quand même une réalité. La Terre était ronde. Lorsqu'on n'a pas vu, on ne peut pas comprendre. Mais j'ai déjà expliqué souvent que vous avez déjà été deux petites cellules qui se sont pognées ensemble, première chicane. Et puis, ça leur a résulté à quoi? Une multiplication incessée de cellules. Vous ramassiez quoi? Des énergies, des pommes, tout ce que votre mère mangeait, puis ça y allait par là. Et puis, finalement, ben, vous êtes apparu sur une table, bing-bang, dans la salle à terrorisation en fœtus. Vous êtes apparu, le médecin vous a battu, péché originel, quelque chose. Et puis, après ça, ils vous ont emballé, ils vous ont mis sur une balance, savoir combien de poids réincarnationnel vous aviez. Là, on détermine si vous êtes un beau bébé ou pas. Hein? Et puis après ça, on vous met dans un incubateur à côté des œufs. Et puis on vous regarde dans une vitrine. Puis on vous dit, ah, il est cute. Ah, regardez comme il ressemble. Puis là, la fermière vous dit, non, le vôtre, c'est celui-là. Ah, la bouche en haut de place. Là, vous dites, ah, ouais, il me semblait aussi. Est-ce que, tu sais, les bébés, ils sont pareils. C'est pas bon. Et puis lentement, bien, à travers cela, on vous a nourri avec du liquide. On vous a fait faire vos petits rôles. On vous a tiré en l'air. On vous a nourri avec des cuillères de métal, des cossins qu'on vous poussait dans la bouche, puis on vous a changé ce qui sortait par en arrière. Et puis, à travers tout ça, lentement, vous devenez des adultes. Puis quand on ne peut pas croire que l'adulte peut traverser les murs, peut rajeunir ou peut marcher dans les airs, puis qu'on arrive quand même à accepter qu'on est parti de deux cellules qui ne savaient absolument pas où ce qu'il allait, puis on est finalement ici à écouter, avec un soin automobile, un transport en commun, avec des villes comme nous avons présentement, bien, il y a un problème quelque part. Vous ne croyez pas au soleil, même si vous le voyez. Parce que vous vous dites, non, non, c'est le soleil, c'est bien sûr. Ça tient tout seul. Pas de fil qui le tient. Personne qui l'allume. Ça marche tout seul. Ah ouais, mais c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Si le soleil est capable de tenir tout seul dans les airs, vous autres n'êtes pas capable de sauter plus haut que 10 pieds. Torieux. Il y a une mémoire, il y a un problème. L'animal humain ne peut pas évoluer rapidement. Il est confronté à devoir s'alimenter, à devoir se coucher pour dormir. Parce que quand le corps est épuisé, il va vivre ses sécrétions hormonales dans le monde de la mort. Puis quand ça revient, il faut absolument qu'il soit impliqué dans le corps, et nécessairement, l'homme manipule le corps, et là, l'animal va vouloir rechercher des choses. Pourquoi l'animal, le corps physique, a-t-il du goût? Parce que cela développe le plaisir dans l'âme. Et développant le plaisir, ça développe la recherche du plaisir. Et développant la recherche du plaisir, bien, ça développe évidemment le contentement et le mécontentement lorsqu'on n'a pas ce que l'on veut. Pourquoi est-il tant plaisant d'avoir des relations sexuelles du point de vue animal? Bien, nécessairement, parce que tant que l'humain ne comprend rien ou l'animal ne comprend pas, bien, en recherchant cela d'une façon hormonale, bien, il procrée, puis il ne sait pas pourquoi. Puis lentement, bien, il procrée, puis c'est pourquoi c'est qu'on en vient à faire le phénomène de la procréation sans procréer, simplement pour sécréter. On appelle ça avoir du plaisir. L'âme lit les sécrétions hormonales du corps et s'en nourrit. Mais il ne peut pas s'en nourrir s'il ne sécrète pas, parce qu'il ne peut pas savoir qu'il vit quelque chose s'il ne l'a pas impliqué dans le corps. Votre âme ne sait pas qu'il a peur si le corps n'a pas peur. Vous ne savez pas que vous êtes heureux si le corps n'est pas heureux. On ne sait pas qu'on est inquiet. Puis là, là. Ah là, je sais que c'est inquiet. Mais si je suis comme ça, puis il se passe rien dans mon corps, bon non, pas inquiet. Mais si je marche à une vitesse folle, si je fume cigarette sur cigarette, là, je vais dire, je suis inquiet, je suis nerveux. Demandez à une personne, « Hey, t'es nerveuse, toi? »« Ben non, je suis pas nerveuse. » Elle ne décode pas ce qui se passe dans son corps, alors elle va dire, « Elle n'est pas nerveuse. » Quelqu'un qui lui dit ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Elle a peut-être un pied qui va tellement vite qu'on le voit presque pas, le pied. Il y a peut-être quelque chose. Il y a un phénomène. Dormir d'une autre façon, donc. Comprendre l'importance ou l'utilité de la phase du pré-sommeil. Comprendre aussi la mécanicité qui assujettit l'homme à l'évolution de l'animal humain. La première chose importante à l'échelle cosmique, c'est les corps physiques. Ce qui les habite n'a aucune importance. Ça arrive dans un corps, ça disparaît d'un corps, ça va dans le monde de la mort, ça revient, ça se digère là-dedans. Il n'y a pas de problème. Le corps est important. Tu ne tueras point. Donne de la mort, donne gueule, fais les chiens, fais n'importe quoi, mais tu ne tueras point. Pourquoi tu ne voleras point? C'est pas le Walkman à l'époque que Dieu interdisait de voler. C'était la brebis, la vache, le bœuf, ce qui permettait la vie. Et bien souvent, pour voler, on devait tuer. On réglait le problème. C'est tout. Mais vous pouvez écouter des musiques rock. Vous pouvez écouter des musiques qui sont sataniques, dans le sens inverse de ce qu'on comprend. Vous pouvez manger du chocolat puis vous arracher toutes les dents. Vous pouvez... Il n'y a pas de problème pour ça du point de vue cosmique. On s'en balance. L'important, c'est que vous mutez vos corps physiques. C'est juste ça qui est intéressant. Et puis vous nourrissez le monde de la mort. C'est juste ça qui est intéressant. Lorsque l'être humain commence à investir le corps physique, et dans la majorité de ceux qui vivent sur le contexte nord planétaire, il y a suffisamment d'intelligence, ajustée par un ajusteur de pensée suffisamment conscient, qui maintenant peut permettre à l'individu de comprendre la différenciation totale qui existe entre l'évolution de l'animal et de l'être humain. Je ne vois pas l'intelligence d'avoir un accident. Ça me fait perdre du temps. C'est con. C'est stupide. Ça coûte cher. Ça prend de l'énergie sa planète. Mettons-en des raisons. Mais il y a juste une chose. C'est que parce que tu n'aimes pas ça, il y a donc une question très intéressante. C'est que si tu as l'accident, tu vas sans doute vivre émotivement une mutation biologique. Alors, il y a des chances que tu aies un accident. Pas nécessairement. Tu regardes à la télévision, puis là, tu vois un hélicoptère qui suit un gars qui s'est poussé avec l'argent de la banque, là. Et puis, à un moment donné, après 56 000 affaires, on voit les caméramans qui font les policiers qui abattent le gars dedans le camion. Il est-tu devant vous? Puis là, ça te fait tout... Ben voilà, tu es en train de sécréter. Et là, il y a des chances que l'accident, tu l'ailles pas. Tu te ramènes sur la rue, puis bang! Ça s'envole tout partout. Mais là, tu rentres chez vous, là, tu trembles. Tu es toute faible. Tu es en état de choc, comme les patients. Tu sécrètes simplement des hormones. Ah, il y a des chances, il n'y a pas d'accident, c'est pas nécessaire. La vue du sang te fait perdre connaissance, pas de problème. Tu sécrètes des hormones, c'est intéressant. La personne qui est de plus en plus résistante aux manipulations de ce type va vivre des expériences de plus en plus grandioses. On peut parler d'expériences de plus en plus dramatiques. Mais dramatiques du point de vue de ceux qui sont très animaux humains, pas du point de vue de celui qui le vit. Il y en a un, lui, il doit sauter en parachute, le parachute ne s'ouvre pas, il saute dimanche, tout est fermé. Il descend, et le maudit gros parachute ne veut pas s'ouvrir. Alors finalement, il ouvre son parachute de secours, qui saute d'en face, puis qui se met en torche. Et puis là, il tombe, puis il rentre dans le sol, bang. Puis il est toujours vivant. Ça arrive de temps en temps. Bon, ils ne partent pas à courir, là, mais ils sont vivants. Bon. Lui, il se ramasse à l'hôpital, puis là, on le répare au complet, c'est-à-dire que les os sont tout en petits morceaux, fait qu'on tripote. Et après un an et demi, il sort avec ses kékés, puis il marche, puis c'est pas pire. Et puis là, on va lui dire, c'était une maudite aventure que tu as eue. Oh, ben, c'est pas si pire que la science aujourd'hui. Voilà, lui, pour muter, il fallait qu'il tombe d'un avion, il fallait qu'il saute en parachute, le parachute ne s'ouvre pas. Une autre personne l'a vu tomber, puis elle a muté pour 5 ans. Elle va avoir du bonheur pendant un bout de temps. Pourquoi qu'on dit qu'après l'orage, le beau temps? C'est parce que lorsqu'on vous a donné suffisamment de problèmes, eh bien, on laisse au corps la possibilité de cellulariser, de sécréter des choses, le corps a changé. Maintenant, ça doit être codifié dans l'ADN des cellules pour que l'événement vous appartienne. Si par la suite vous avez des enfants, vous allez leur transmettre en caractère secondaire votre évolution par la génétique, vous n'aurez pas besoin de les instruire par le milieu. Mais lorsque la tornade est passée, là, il y a du beau temps, un peu. Puis quand le beau temps commence à vous peser, eh bien là, on va, soit par un aide contrôle, soit par différentes choses, on va permettre qu'il se passe de quoi, puis là, on va recommencer à vous donner des problèmes. Quand tout va bien, tout va mal. C'est là. Alors maintenant, on se sert de notre sommeil pour sauter en parachute. Et puis quand on descend en parachute, eh bien là, il faut qu'on commence à apprécier l'état d'apesanteur. Et puis là, on se rend compte que les vaches montent rapidement vers nous autres. Bon. Alors, on se laisse flotter, on s'amuse. Quand c'est le temps, on tire sous la ficelle, puis le parachute peut s'ouvrir. Puis on peut se diriger vers les lignes à haute tension d'hydro, on peut se diriger directement dans la porcherie, on peut se diriger dépendant. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on doit s'arranger pour, dans le pré-sommeil, préparer émotivement. On doit mettre de la conscience dans ce que l'on prépare. Et on va commencer à le vivre. Puis lentement, on va tomber dans le sommeil. Et on va continuer à le vivre. Mais il y a un avantage. Lorsque l'individu est capable de préparer le sommeil de façon à induire le premier rêve, il aura 3, 4, 5, 10, peut-être plus, rêves initiatiques au cours de sa nuit. Lentement, de plus en plus, les rêves que l'humain va vivre vont devenir des rêves initiatiques. Initiatiques, c'est-à-dire mutatoires. Alors, vous allez vous réveiller. Elle peut peut-être avoir de quoi compter. Sauf que vous allez avoir vécu des expériences. Pas juste rêver. J'étais un rêve de fou. Tu étais au salon mortuaire. Puis à un moment donné, j'ai vu que tu pleurais dans la tombe. Fait que là, je t'ai essuyé un peu. Puis là, mais là, les gens, il y a des gens qui arrivaient, puis tu continuais à pleurer. Fait que là, j'ai mis un bouquet de fleurs en avant, puis j'ai demandé de la poudre. La personne, elle ne vit rien émotivement, parce que si elle serait placée dans la réalité devant une personne décédée qui se met à pleurer, elle ne mettrait pas de la poudre en dessous des yeux. Elle vivrait un choc très original. Alors, t'as commencé à pleurer, puis là, je me suis senti toute... Voilà, là, tu vis un rêve initiatique. Là, tu es en train de te servir de l'espace-temps accompli de façon à ce que tu puisses avancer dessus cette trame sous plusieurs points de conscience en même temps, ce qui va éviter, dans l'expression illusoire du phénomène de l'évolution des créatures du temps de l'homme, de l'âme, la nécessité de malléabiliser le corps physique de façon à créer une acceptation du point de vue de l'ego d'une réalité existentielle. Je répète en termes plus faciles, lorsque l'on vit cela dans le monde de la mort, donc dans le rêve, d'une façon suffisamment hormonale pour que lorsque l'on se réveille, on l'ait encore des tripes. Des tripes, ça veut dire quoi? Bien, quand on sécrète des hormones, il y a un paquet d'affaires, des tripes qui se brassent. C'est ça que ça veut dire. Tu le sens à tes tripes, tu te sécrètes les hormones. Bon. Alors, lorsque tu dors, puis tu te réveilles, puis tu l'as, là, clair, clair, eh bien, ça évite simplement, étant donné que l'ego accepte comme étant un événement réel ce que tu as vécu, c'est plus nécessaire de l'incruster dans le corps physique pour que l'ego cesse de le rejeter. Autrement dit, moi, je vis que je me fais percer un œil par une balle de baseball. Une petite balle de baseball pour enfants. Et puis là, je vis tout ça dans mon rêve. Quand je me réveille, hey, c'est-tu niaiseux comme rêve? Parce que je refuse totalement, du point de vue de l'ego, la consistance réelle, mais dans un monde parallèle, dans un autre plan, ce rêve. Et bien, à un moment donné, je serai obligé d'avoir une balle en pleine face, une balle de fusil, un clou, une roche, n'importe quoi, avoir l'œil percé, mort vivre la même mastique d'affaires que dans mon rêve. Sauf que là, je pourrais pas dire « Hey, c'est-tu niaiseux? » Là, m'a dit « Hey, c'est vrai. » La nuance, elle est là. La réalité, ce n'est pas ce que nous touchons. La réalité est ce qui mobilise le corps physique. Le corps physique est une expression très limitée de la réalité. Ce qui le mobilise le fait par certaines mécanicités légales, des lois, qui sont des mécaniques écologiques et qui permettent à tout le monde de vivre dans cette mécanique sans se heurter. C'est pour cela qu'on appelle ça des lois. Si tu changes la loi, tu brises la mécanique et écologiquement, tu mélanges un peu ce qui se passe autour de toi. Et cette mécanique, eh bien, elle se fait par le système endocrinien qui est relié au système chérubinique du père-esprit de l'âme, qui est relié à l'âme, qui est relié à l'ego et qui, par un canal réincarnationnel, est relié au monde de la mort. Ce canal porte votre prénom. Il portera, lorsqu'il est plus vaste, le nom de votre parrain et lorsqu'il est plus vaste, le nom Joseph, Marie, puis finalement, le nom de votre Dieu, l'égrégore qui vous a créé du point de vue de l'âme, pas du point de vue espritique. Alors, c'est simplement ce qui arrive. Lorsque l'être humain n'a pas la faculté du point de vue de l'ego, parce qu'il s'identifie trop à la réalité très, très, très, très, très subjective, même si on l'appelle objective, de notre vie, eh bien, on est obligé, cosmiquement, pour qu'il comprenne, pour que l'ego accepte de vivre, donc d'exprimer ce qu'il vit, donc de sécréter, donc d'émuter le corps physique, de l'obliger à le vivre avec le corps physique. Dormir d'une autre façon, c'est vivre d'une autre façon. C'est évoluer d'une autre façon. Je marche, je déboule les escaliers, puis je me casse une jambe. Je dois le vivre. Et lorsque je le vis, je rampe jusqu'au téléphone, ah, fait mal, je me tourne, j'arrive pas à communiquer, je me rappelle plus du 911. Puis à un moment donné, ben, je vais le cellulariser. Pas la jambe cassée, non, ce que mon ego va vivre dans cette expérience. Et si un jour je déboule les escaliers, il va rien se passer. Étant donné que c'est cellularisé, j'aurai rien à apprendre. Et vous allez dire, oui, mais tu peux te casser la jambe pareil. Il y a au moins une nuance, t'en souffriras pas. Mais une chose que l'homme ne sait pas, c'est que si vous n'avez rien à apprendre d'un événement...